Ok. Commencez par porter votre attention sur votre contact avec le sol. Et dans cette leçon, une curiosité spécifique de sentir les zones du contact du dos. De porter votre attention sur la région du coccyx, bassin. Se noter dans cette zone-là du bassin, du basse, du colonne vertébrale, où on a un contact. Et de suivre le contact dans les lombaires ou l'espace où il y a plus de contact peut-être. Le contact plus haut dans la colonne vertébrale, dans le dorsal. Il y a la colonne vertébrale, il y a peut-être plus de présence aussi du côte. Et dans le haut de dorsal, le haut de dos, il y a cette zone de contact qui mélange parfois les côtes et l'épaule. Essayez de sentir un peu la différence entre le côté droite de cette région et le côté gauche. Et une manière de peut-être de sentir cette différence, qui peut être plus ou moins évident à ce moment dans la séance, c'est est-ce qu'il y a un omoplate qui est un peu plus proche de la colonne vertébrale? Le bord intérieur, par exemple, de l'omoplate. Et après, il y a aussi des sensations dans les épaules, plutôt à l'extérieur de l'épaule, vers la jonction avec l'omoplate et le haut du bras. Est-ce que vers cet coin, est-ce qu'il est plus ou moins proche du sol, sur le côté droit et le côté gauche, plutôt vers l'articulation même, le humérus et l'omoplate. Et est-ce qu'il y a un épaule qui est plus proche de son oreille? Donc, la distance entre l'épaule droite et l'oreille droite. Et l'épaule gauche et l'oreille gauche. Et quelque part entre les omoplates, il y a la colonne vertébrale. Et après, ça monte vers les cervicales. Et de noter cet espace entre les cervicales et le sol. Il y a un espace entre où ça touche, entre les omoplates, ou vers cette région, haut de dorsale, et la tête. Et de sentir cet espace. Et la longueur de la colonne vertébrale entre le coccyx et la tête. Portez votre attention sur la respiration, assez générale. Et après, plus spécifiquement, la respiration dans la région du bas de ventre, bassin, bas du dos. Sans le forcer d'entrer dans cette zone, juste de porter une attention sur le mouvement qui peut être là. Portez votre attention sur la respiration, qu'est-ce qui passe dans les régions plutôt des côtes. Ok. Et de laisser ça et de plier les genoux et de croiser la jambe droite sur la jambe gauche avec les plantes de le pied gauche au sol. Donc on croise la jambe droite sur la jambe gauche, ça croise à la cuisse. C'est les cuisses qui reposent sur l'autre cuisse. Et les deux jambes sont pliées. Donc on plie les deux jambes. Voilà. Et là, ouais, voilà. La jambe droite sur la jambe gauche. Et doucement, on va, avec cette paquet de jambes, on va commencer de le basculer un petit peu vers la droite. Les deux jambes commencent de descendre un peu vers la droite. Et une change de pression sur le bassin. Et après, on peut revenir sur notre verticale. On va refaire ce petit mouvement de basculer les jambes un peu sur la droite. Et de noter le change de pression sur le pied aussi. De manière que le poids roule. Et dans le pied, il y a la possibilité que cette change d'angle, ça passe dans le contact avec le sol et le pied, ou ça peut être un peu plus dans les chevilles. De noter qu'est-ce qui passe pour vous. On peut noter aussi qu'il y a une change de pression plus haut dans le dos. Et une reformation de les côtes, la colonne vertébrale. Et une autre curiosité dans ça, c'est qu'est-ce qui passe avec sur la longueur de la colonne vertébrale? Est-ce que ça fait un petit mouvement même qui va commencer de faire basculer la tête un petit peu pour avoir Oui, une sorte de manière que ça tire sur la longueur de la colonne vertébrale passivement jusqu'à que la montant elle est impliquée, elle est un peu plus proche du sternum peut-être. Okay. Et de revenir au neutre et de décroiser les jambes et faire une petite pause. Pour les pauses, c'est à vous de voir si vous préférez une pause avec les jambes pliées ou longues. C'est comme vous préférez. Et déjà avec ce petit mouvement, est-ce qu'il y a un début d'un ajustement de votre contact avec le sol? Okay. Et on va replier les jambes et de recroiser les jambes droites sur les jambes gauches. La même position du départ. Et on va allonger les jambes droites devant vous dans la direction du plafond. Donc pardon, le bras droit, je sais pas qu'est-ce que j'ai dit. Je crois que j'ai dit les jambes, mais en fait c'est les bras. Le bras, il est long devant vous, le coude déplié, donc le bras droite, la main orientée directement vers le ciel. Donc si c'est possible, le coude est droite. Et le poignet peut être lâché. La main peut être lâchée. Ok. Et de faire un petit mouvement de étendre le bras sur sa longueur un petit peu vers le ciel, dire que l'épaule va se lever un petit peu et après le pôle revient vers le sol doucement. On lève un petit peu. Et de noter qu'est-ce qui passe avec la tête, si la tête s'implique ou pas. Peut-être ça dépend de la taille du mouvement. Et un mouvement qui va passer peut-être au dehors, c'est l'omoplate qui glisse, une sorte de, et la, clavicule qui bouge, mais il n'y a pas trop d'implication de côte. Et après aussi, il peut avoir une petite implication de côte qui va aussi peut-être rouler la tête un peu vers la gauche. De prendre une petite pause, une mini pause, puis on reste avec les jambes croisées, peut-être juste poser les bras pour un moment. Et on va refaire ce petit mouvement de les jambes va basculer un petit peu vers la droite en même temps que on va lève l'épaule, donc le bras est long devant nous, comme on vient d'avoir, le bras droite, et on va étendre vers le ciel avec le bras en même temps que les jambes basculent un petit peu vers la droite. Et après, l'épaule revient au sol en même temps qu'on revient au vertical avec les jambes. Donc le bras commence dans cette position longue devant nous. Si c'est confortable, si ça crée une douleur, on essaie de faire dans l'imagination, on adapte. Et un des principes de mouvement, c'est qu'ils sont vraiment en même temps en mouvement. Ça veut dire qu'en même temps que les jambes allaient un peu vers la droite, le bras est en train d'avancer un petit peu vers le ciel et en même temps que les jambes reviennent, on repose l'épaule. C'est pas un très grand mouvement. Et il y a une Dans ce mouvement, il y a une respiration. Sinon, on ne sait pas comment vous respirez, mais vous respirez. Et prendre une pause. Poser les bras au sol, décroise les jambes. Notez comment vous sentez-vous au niveau de les côtes et le mouvement de respiration. On va replier les jambes et on va croiser la jambe gauche sur la jambe droite. Et doucement, on va basculer les deux jambes un petit peu vers la gauche. Et après, on revient. Et d'être particulièrement curieux de à quel moment dans ce mouvement vers la gauche, on peut sentir quelque chose qui passe au niveau de la haute droite de votre torse et vers la paume droite. Les jambes basculent un peu vers la gauche. Et à quel moment on sent quelque chose qui bouge, qui repend? Peut-être c'est tout de suite, peut-être c'est plus tard dans le mouvement, plus grande. Et de laisse la tête aussi reprendre. Ça veut dire que si vous sentiez un petit mouvement de la tête, vous peut-être faites un tout petit peu plus. Tu laisses la tête aller dans la direction que tu perçois et agité d'aller. Hein. Et de revenir au centre avec les jambes et de allonger les bras droits devant vous. Donc, comme on était avant avec le bras droit. Le bras droit, il est devant nous. Et légèrement, on va commencer de basculer, c'est le bras droit, pas le bras gauche. Et on va commencer de basculer les jambes vers la gauche. Et en même temps, on va lever un petit peu l'épaule droite et allonger les bras vers le plafond. Et après, quand on vous revient avec les jambes, on repose l'épaule. Et de continuer cette petite expression et en même temps de rouler la tête vers la gauche aussi avec les genoux. Donc, un moment et autre, je sais pas, peut-être c'est pas exactement au début, mais la tête va aussi rouler un peu vers la gauche. Donc c'est plus ou moins tout qui allait vers la gauche, le bras et la tente vers le ciel, la tête roule vers la gauche, les jambes basculent un peu vers la gauche. Et de commencer d'explorer la relation avec votre respiration. Même mouvement. Avec le jambe, bras, tête, mais portez votre attention sur comment vous respirez. Si vous faites en expirant, inspirant. Et où passe cette respiration? Et de prendre une petite pause, de faire les jambes, de poser les bras au sol. Merci. et de porter votre attention sur la région de l'épaule droite et de sentir le contact avec l'épaule droite au sol et aussi la distance entre l'oreille droite et l'épaule droite. Et comment aider par rapport avec l'épaule gauche, le bras gauche. On va replier les jambes et de croiser les jambes gauche sur les jambes droites. Le bras droit est long devant nous, juste comme avant. Et on va continuer de basculer les jambes vers la gauche, étendre le bras vers le ciel et rouler la tête vers la gauche. Et on va continuer cette expression jusqu'à ce qu'on puisse faire une pause allongée sur notre côté gauche. On peut ajuster le bras gauche si besoin pour pas l'écraser. Mais on va utiliser ce mouvement éventuellement. C'est la jambe gauche croisée sur la jambe droite. Et on bascule les jambes vers la gauche. On étend, attendre le bras vers le ciel. Et éventuellement, on s'allonge sur notre côté gauche. Avec l'idée que on trouve une manière peut-être, ça c'est la direction. Si c'est pas confortable, ou ça crée des douleurs, on va pas aller jusqu'à là. Mais ça c'est la prochaine position qu'on va aller vers pour une petite exploration. OK. Et on va allonger sur le côté gauche. Si c'est confortable d'avoir les jambes encore dans cette position, OK. Sinon, on décroise les jambes si c'est nécessaire. Et on va, avec les bras, on va plutôt avoir les bras dans une angle plutôt de 45 degrés au-dessus. C'est comme la main vient être au-dessus de la hanche. Plutôt. Et on va tirer, on va attendre dans cette direction. Donc on est allongé sur le côté gauche et on attend un peu entre le ciel et le mur vers, dans la direction de ta fesse. Vers 45 degrés vers le ciel et on va lever la tête en même temps. Donc on tire le bras vers le ciel, dans la direction de cette longueur. Peut-être c'est, ouais, on oriente vers à peu près 45 degrés. Et c'est qu'on va étendre les bras plus loin, dans cette direction qu'on est, on lève la tête un petit peu. Et après, on le repose. Et l'angle exact, c'est à vous de voir. L'idée que c'est en fait l'action d'étendre le bras dans cette diagonale. Aide à lever la tête. Et aussi, il y a quelque chose qui va plier dans les côtes. Donc, une sorte de pliage sur la côte droite. Ça lève la tête. On étend vers le ciel. Un peu à 45 degrés. Ouais, parfait. Oui, c'est, ouais, à peu près. C'est en fonction de où ça aide pour lever la tête, on peut dire. Ouais. Et c'est là. Prolongation des bras qui est OK. Et on fait une petite pause. Si c'est confortable sur le côté, fait une pause sur le côté. Sinon, change de votre position, mettre sur le dos. Okay. Et de prendre avec les mains droites, on va attraper l'oreille gauche en passant le bras au-dessus de la tête vers l'oreille gauche. Peut-être c'est plutôt le côté de la tête, c'est n'importe. C'est comme nous avons envie de prendre notre tête dans notre main, plutôt en passant au-dessus si c'est disponible, mais faites comme vous pouvez. Et avec ça, on va lève la tête avec les haies du bras et on va le reposer. Et de explorer ça en expirant. Et après d'avoir exploré en expirant, juste fait comme vous voulez, mais de prendre en compte la respiration. OK. Prendre une petite pause. Allons rouler sur le dos. Allongez-vous sur le dos. Ouais, de allonger sur le dos pour la pause, si c'est confortable. Okay. De plier les jambes, de croiser les jambes gauche sur les jambes droites, avoir le bras droit long vers le devant vous. Et juste un petit mouvement, un, deux fois, on va basculer un petit peu les jambes vers la gauche en même temps qu'on lève l'épaule, on étend vers le ciel, la tête roule un petit peu vers la gauche. Juste un petit mouvement, on ne va pas aller jusqu'au sol. Si vous voulez, en fait, c'est OK d'aller vers le sol, en fait. C'est pas nécessaire. C'est pas le but d'aller au sol. OK. Et de juste prendre une petite pause avec le bras pour un moment, poser au sol, et de changer le croisement des jambes. De allongez le bras droit devant vous. Et les jambes vont légèrement basculer vers la droite en même temps qu'on allonge le bras vers le ciel. Et d'être curieux si le mouvement de côte, il y a un glissement, il y a dans l'épaule. L'épaule est faite par aussi par les côtes, on peut dire. Il y a un aspect il y a des glissements de l'omoplate sur les côtes, mais aussi il y a une reformation de côtes, de colonne vertébrale qui aussi permet les bras de allonger vers le ciel. Ok. De prendre une pause. Allonger les bras, les jambes. Okay. Et de plier les jambes gauches, d'avoir la plante des pieds au sol, et avec le bras droit, de mettre le bras droit soit au niveau de l'épaule ou peut-être un peu plus haute, allongé au sol. Allonger le bras droit au sol, au niveau de l'épaule ou peut-être un peu plus haute, mais c'est en fonction de votre confort. OK? En termes de hauteur, pour que c'est confortable. Et de commencer de boire, juste fait un petit appui avec les pieds gauche pour qu'on roule le bassin vers la droite. Et on revient. Et on va refaire ce petit mouvement de rouler un peu vers la droite. Et en particulier, d'imaginer que le souffle commençait de plutôt un rôle aussi vers la droite. Donc, en quelque sens, le souffle, le contact du souffle avec votre flanc droite commençait d'être plus en relation avec le sol. Et c'est une sorte d'orientation de votre souffle vers la taille droite, les côtes droites. Ok. Et de prendre une petite pause. De ouais, un petit. Okay. Et on va replier le, on va, pardon, plier la jambe droite. Et de allonger les bras droite, ou à côté de l'épaule, ou plutôt à côté de la tête, c'est un peu en votre confort. Plus proche de la tête, si c'est confortable, mais pas trop haute non plus pour que ça commence à descendre. C'est au sol. Le bras droit est au sol. Et on va rouler le bassin un petit peu vers la gauche en appuyant un peu avec le pied droite. Et on sent qu'est-ce qui passe dans le bras droit, dans l'épaule droite. Et un peu comme avant, on va imaginer que cette action de rouler le bassin sur la gauche, il va remplir un peu plus le bas du dos, le bas, la taille gauche avec le souffle. Comme nous avons vu, verser le souffle un peu vers la gauche, surtout vers le bas. Ok. Et la prochaine fois que vous êtes avec le bassin un peu vers la gauche, on va tenir cette position un peu vers la gauche avec le bassin et on va faire un mouvement avec une respiration pour de faire une expansion, on gonfle le ventre et après on va gonfler les poitrines en rentrant le ventre. C'est un mouvement que je crois que presque tout le monde a déjà exploré un peu. Cette balançoire de volume entre les côtes, les cages thoraciques et le ventre. Donc le bassin est légèrement orienté vers la gauche. Et on fait quelques mouvements de basculer le volume de la respiration entre le haut et là-bas. Et j'ai pas précisé comment on liait ça avec la respiration. C'est exprès. Vous pouvez faire en bloquant la respiration, mais c'est aussi possible de basculer ce volume pendant que vous respirez. Pour gonfler le ventre, on aplatit un petit peu les côtes pour gonfler la poitrine, le ventre et le ventre vers là. Okay. Et on revient à Newt. On va allonger les jambes, allonger les bras. Et on va replier les jambes. Et on va croiser les jambes gauche sur les jambes droites. On va interlacer les doigts et mettre les mains derrière la tête. Les coudes vont être légèrement proches l'un de l'autre un moment pour bien facilement tenir la tête. On va basculer les jambes légèrement vers la gauche. Donc on bascule les deux jambes un peu vers la gauche et une petite spirale dans le... Et on va le tenir un peu vers la gauche et en expirant, on va lever la tête un petit peu avec l'aide des bras comme nous avons envie de regarder vers notre bassin un peu. Et le bas du dos, quelque part dans le dos, il allait vers le sol. Et une partie derrière qui allait vers le sol. Et après, on repose la tête. Et on va répéter ça quelques fois. L'idée, c'est pas que c'est une grosse gainage. C'est pas pour gainer. Ça reste quand même un mouvement de prise de conscience par le mouvement. Et certaines manières de faire ça, surtout dans ces choses qui peut-être ressemblent une, ouais, qui demandent plus d'effort, c'est de faire dans une manière qui a du sens pour vous et de, en particulier, tester si vous répétez chaque fois, de faire avec un angle légèrement différent. Par exemple, une fois vers la hanche gauche plutôt. Et quelle forme ça fait avec les côtes? Quelle partie de dos aller vers le sol? Et si la trajectoire c'est plutôt vers le pubis, ça fait quoi? Ok, chaque petite répétition de ce mouvement nous permet de explorer différentes organisations du colonne vertébrale, des côtes, de respiration. Et on prend les pauses qu'on a besoin de pauses. Et si on est en train d'utiliser ça pour lever la tête, les coudes sont, on va proche un petit peu comme pour avoir une bonne distance pour aider de lever la tête. Et de décroiser les jambes, de revenir au neutre. De recroise, pardon, de plier les jambes et de croise les hautes jambes sur l'autre. Donc, croise les jambes gauche sur la droite sur la gauche, je crois. On change. Maintenant, c'est la droite sur la gauche et on bascule les jambes vers la droite. Je crois. Peut-être j'ai... On était droite au-dessus de gauche. Ok, c'est gauche au-dessus de droite maintenant. On change quelle jambe, pardon. Et on bascule les jambes un petit peu vers la gauche. Alors. Et en même temps, on va interlacer les doigts derrière la tête. Et en même temps, on va garder les jambes un petit peu vers la droite. Et on lève la tête. Et on repose la tête. Ok. Et de décroise les jambes, allonger les bras, une petite pause. Et de allonger les bras droits devant vous, allonger sur le dos, les jambes longues. Et de étendre un petit peu les bras vers le ciel. Et de redescendre. De la prochaine fois que vous faites ça, de rouler la tête un petit peu vers la gauche. Après, redescendre. Et de rouler la tête un petit peu vers la droite en même temps. En même temps qu'on allonge le bras. On roule la tête vers la gauche. De nouveau de rouler la tête vers la gauche. Sentir les différentes organisations que ça fait. Ok, et de prendre une pause, d'allonger le bras à côté de vous. De sentir le côté droit de vous. Et le côté gauche. Et de plier les jambes et de croiser les jambes gauche sur les jambes droites. Et de allonger les bras gauche devant vous. Et on va basculer les jambes un petit peu vers la gauche, en même temps qu'on lève un petit peu l'épaule gauche, on va tendre le bras gauche vers le ciel. Et après, ça revient ensemble. Et on peut avoir dans ça aussi des questions de respiration, d'essayer avec une expire. Et quand on a cette question de respiration, c'est aussi une question de comment je peux incorporer les mouvements liés avec la respiration dans le mouvement. Par exemple, dans les arts martiaux, par exemple, si on fait un gros coup, par exemple, on peut explorer de manière qu'on peut faire quelque chose avec la respiration qui peut avoir un effet sur le mouvement. Et c'est une option. On peut expirer dans une partie, par exemple, qui plie et de pousse l'air dans une partie qui est lié avec une mobilisation d'une partie du corps. OK. Et après, de faire une pause. Vous posez le bras à côté de nous. Okay. Et de croise la jambe droite sur la jambe gauche. Allonge le bras gauche devant vous. On va légèrement va basculer les deux jambes un petit peu vers la droite. En même temps qu'on étend le bras gauche vers le ciel. La tête va aussi rouler vers la droite. Et vous pouvez faire une, on va un peu changer la manière qu'on pense le mouvement. Une fois, on va commencer d'étendre vers le ciel et on roule vers la droite avec la jambe et la tête. Et pour revenir, c'est l'épaule, le bras va rester vertical, orienté vers le plafond, mais l'épaule, c'est comme tu as envie de toucher avec le omoplate le sol, et c'est ça qui vous ramène pour le retour. C'est l'épaule qui commence de redescendre, et c'est le, après c'est le reste qui peut suivre. C'est quand vous voulez revenir en posant l'épaule gauche au sol. Et de continuer le mouvement jusqu'à ce que tu puisses reposer pour un moment sur votre côté droite. Donc, prendre du temps de développer le mouvement jusqu'à ce que vous pouvez arriver sur le côté droite. Et quand vous êtes sur le côté droite, on va faire une petite pause là-bas. Et de nouveau, on va avoir le bras gauche qui est à peu près à 45 degrés au-dessus de la, au-dessus de la hanche peut-être. Il est long vers le, entre le ciel et la hanche, quoi. Tu vois, de cette 45 degrés pour qu'on puisse lever la tête avec une extension de bras. Et l'idée que c'est on plie donc les bras et les vers le ciel et après ouais après vers au-dessus de la hanche plus ou moins au-dessus de la taille et après on fait une, on étend avec les mains avec les bras dans cette direction-là pour qu'on lève la tête un petit peu. C'est un peu une image qui peut être c'est comme un ami arrive prend ton bras. Et il va t'aider de te lever un petit peu, qui prend et hop, et prends le bras. Et ça aide, lève la tête. Et c'est un mouvement aussi beaucoup dans les côtes. Un pliage de côtes. Et il y a cette négociation avec la haute épaule, de trouver une position qui est bien adaptée pour vous. Peut-être vous êtes légèrement plus sur le dos, légèrement plus sur le ventre. Et peut-être le bras est plus vertical, plus au-dessus de l'hanche, je sais pas exactement, c'est à vous de voir l'angle qui a du sens pour vous. Ok. Et de laisser ça et d'allonger sur le dos. Et on va plier les genoux et de croiser la jambe gauche sur la jambe droite. On va allonger le bras gauche devant nous, la jambe gauche sur la jambe droite. Le bras gauche devant nous. On va allonger les bras en même temps qu'on bascule les jambes un petit peu vers la gauche. Et on redescend. Et après, on va basculer les jambes vers la droite. Et on va allonger les bras. Et on alterne une fois sur la gauche, une fois sur la droite. Et de laisser ça et d'allonger les deux bras à côté de vous. Allonger les deux jambes. Et de nouveau de revisiter le contact avec la colonne vertébrale. le dos. Peut-être il y a différentes parties du dos qui a une autre relation avec le sol. Peut-être il y a des endroits qui sont plus proches maintenant. Des endroits qui sont plus loin, peut-être aussi. C'est important notre attention dans cette zone des omoplates, épaules, côtes. Si cet endroit entre les omoplates, où il y a plus de contact avec le sol et ça monte vers la tête, le cervical. Okay. On va laisser ça. Et on va rouler sur un côté, se mettre debout. Prendre du temps. Moment debout de sentir les effets. C'est une réorganisation de la manière que vous êtes sur les pieds. Quand le bassin est posé, la manière que les deux bras pendent. Dans le sens de la, comment la poitrine est liée avec le sol. On essaie d'ouvrir les yeux et de marcher un petit peu, de une, il y en a encore quelques petites petite minute si vous voulez commencer de bouger plus librement aussi, d'explorer ça juste pour quelques minutes, de voir qu'est-ce qui passe, qu'on ouvre les possibilités de bouger, sentir, bouger. Essayer d'ajuster la température de la salle.